silence de granit une veine qui ramène mes sentiments à leur germe, à la terre mère où j'offre des perles, des rubis, de l'onyx, des diamants, aux essences d'affection brisées, pierres transformées en opales irisées, que l'alchimie d'hier me livre, constellation de mes baisers morts. Ô montagne mère, ô tombeau qui chante, tu gardes mes aubes pour toujours. Sacrifice pour cet homme qui me blesse, les cris qui se sont noyés dans ma gorge. Prends ce quart à la voix brisée, ces rubis de sang rouillé, cet onyx d'ombre contenu, ces diamants que moi seul connais.